À l'occasion du 20e anniversaire de l'inspection de Panmunjom par le général Kim Jong-il, l'association d'amitié avec la Corée a inséré dans son page d'internet un écrit sous le titre « Trace de pas à Panmunjom » avec la photo de la stèle à l'autographe du président Kim Il-sung en matière de réunification de la patrie. L'auteur a présenté sur les instructions du général Kim Jong-il qui, lors de son inspection de Panmunjom, a souligné de léguer à la postérité la patrie réunifiée.